faisait de la musique dans la rue, que je t'avais dit. Ça, tu m'en avais parlé, oui. Dos, ça, je m'en son souviens. Ordi, son contrôleur qui faisait jouer les gens et tout. Bah ça. Ouais. Et j'avais pris son contact. Ouais. Mais du coup, il est venu. Julien est venu. J'ai un pote qui chante du métal que j'ai invité. Il est passé aussi. Et il y a des potes de ma coloc que je connaissais pas, qui sont des voisins et qui sont super sympas. Et voilà. Ben, je l'ai rencontré pour la première fois. C'était trop cool. Mm-hmm. Donc, on a mangé des champignons et on s'est couché très très tôt. Très très tôt, très très tôt. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Moi, j'ai pas pu aller à l'aïkido. Ouais, pas cool, mais bon. Et ouais, j'ai cru que il allait venir. Lolo ? Non, il avait pas dit ça ? Ce soir ? Ah. Mmh. Ah non, il avait pas dit. Ouais, il avait pas dit qu'il passait ce soir. Latency is my friend. Latency is my. Ouais, ça bug. Si, Laurent, ouais. On va faire. Carrément. On fait encore une chanson. Pablo a annulé au dernier moment. Moi j'ai renvoyé un dernier message, je lui ai dit mais envoie un message à la cantonade pour relancer, et moi je l'ai fait et en... Ah merde. Chouk. Je regarde les messages. Ouf. Oui. Bon, on en fait une dernière. Alors, j'ai mon clavier, mais tu dois pas l'avoir. Je vais faire insert. Non, track. Insert new track. Non, je l'ai pas, moi, j'entends rien. Je l'entends pas, ton clavier, t'inquiète.